Les orages n'ont jamais fait d'un homme plus fort. Un éclair dans le regard n'a jamais mis de couleur. Un règlement de compte pour bloquer les compteurs. Une douleur au moral avec une plaie au corps. C'est un demi-tonnerre au clair de lune. On vient me reprocher mon manque de thunes. Satan de me noyer dans mon enclume. Certains me font la morale alors que la ville la gère mal. Veulent m'enculer par la voie anale. Seule la lune souffle quand je chiale. Ça devient infernal. Les jours passés, je me sentais de plus en plus sale. La critique est tellement plus facile. J'ai pensé un instant être débile. Alors je dis juste un diamant dans le noir. Jamais ne brille. Allez tous crever en enfer. Au passage, vous y avez laissé une lettre pour vous prouver que moi aussi je peux vous la mettre. On croit vous connaître. Mon cul, tous des bâtards. Concrisez ma vie de dollars. M'enfermant comme un fond au fond du mitard. J'arrive peut-être un peu en retard, mais j'assume mon retard. On veut voir la solitude sortir d'un tonnerre. J'ai du mal à articuler, donc je suis pas très clair. Une honte, un éclair pour que je reste couché à terre. Toutes les vipères que je brûle dans leur opère. Un demi-tonnerre sur la lune. Alors c'est au clair de la lune que j'écris de ma plume. Les braises sont bourrées de poudre, accordées à une mèche. Je vis avec la peur que mon encre sèche. Comme une tache je vous délaisse en brisant vos putains de lettres. On me martèle de mots qui blessent. Je vais faire qu'une promesse, je vous annirai tous de ma messe. La clé de la réussite suscite et persiste. Malgré ça j'incite et récite en gardant la même piste. Vous avez noté mon blaze dans votre liste. Moi je continue loin de vous à monter tel un alpine. Loin d'être un arriviste. Vous ne faites pas partie de mon monde. Restez donc dans votre onde. J'ai qu'à m'en retenir dans mes propos. C'est que loin des rages je suis en repos. Tiens à propos de ça, cessez de croire que je triche dans mes compos. Vous faites tout ça sans qu'il n'y ait retableau. Je prouve que je suis un mercenaire qui disparaît sous l'eau. Mais réapparaît près de votre enclos. Avec 4 lettres YKLO. Si tu cochilles bien c'est mon vrai nom YKLO. J'ai traversé votre haine trop mal déversée sur un radeau. Sur moi je suis qu'un fardeau. Alors c'est dès que par derrière je vous plante le dos. Tiens je vous offre un seul cadeau. Le récit de mon tonnerre dans un seul morceau. Je suis peut-être un peu trop classique pour ce classico. Un demi-tonnerre sur la lune. Alors c'est au clair de la lune que j'écris de ma plume. Un demi-tonnerre sur la lune. Alors c'est au clair de la lune que j'écris de ma plume. Un demi-tonnerre sur la lune. Alors c'est au clair de la lune que j'écris de ma plume. Je suis l'échec pur, mais sur ce je perdure. Comme une brebis, on m'enferme dans les ordures. Mais manque de peau, j'y suis passé par toutes les clôtures. Un coup de tonnerre en enfer, la résonance de ma voix. Pour mon futur, je suis un choix. Alors je ressuscite pour terminer vainqueur de son combat. J'ai analysé vos coups bas et vos insultes à tout va. Alors tout vient à point qui baisse pas les bras. J'aurai la surprise dans votre emprise. Je remercie encore ma promise. Et vous pousse dans votre crise en déréglant votre devise. Et révise encore avec ma prise. Toutes les putes de but et les balles que je lâche en rafale. Ça va faire mal car c'est des syllabes à la jouer squad. Appuie sur mon genou, dans ma tête y'a des remous. C'est en solo que je me dévoue pour vous tordre le cou. Main droite levée j'avoue y'a trop de ripoux. Dans mon ciel nuageux, un nuage ténébreux. C'est rageux trop nombreux. J'ai déjà creusé vos tombes avec un pull. Je suis un ange un peu trop vicieux et un démon trop malicieux. Un demi-tonnerre sur la lune. Alors c'est au clair de la lune que j'écris de ma plume. Un demi-tonnerre sur la lune. Alors c'est au clair de la lune que j'écris de ma plume. Un demi-tonnerre sur la lune. Alors c'est au clair de la lune que j'écris de ma plume. Un demi-tonnerre sur la lune. Alors